glace dans les yeux, je vois déjà les tiens. Sentiment d'être heureux, partagé pour un rien. La nature l'a voulu, il faut qu'on réfléchisse. Mon âme convaincue veut pas que ça finisse. Alors ça existe, ce sentiment bizarre qui fait que rien n'est triste. Quand tu es dans mes bras, faut pas que je résiste à cet heureux hasard. Alors ça existe parce que t'existes. Années nous séparent, c'est beaucoup et bien peu. Ça change pas un regard, ça rend pas malheureux. 15 années qui s'envolent quand nos deux corps se frôlent. 15 années qui se tirent quand je vois ton sourire. Alors ça existe, ce sentiment bizarre qui fait que rien n'est triste. Quand tu es dans mes bras, faut pas que je résiste à cet heureux hasard. Alors ça existe. Parce que t'existes. Alors ça existe, ce sentiment bizarre qui fait que rien n'est triste. Quand tu es dans mes bras, faut pas que je résiste à cet heureux hasard. Alors ça existe parce que t'existes.